Vous écoutez Futur Simple à l'antenne de CKRL 89.1 et on va terminer cette première demi-heure avec une nouvelle que François est allé chercher qui concerne le traitement du VIH. Donc deux patients américains auraient guéri du VIH et 12 Français survivent avec le virus et tout ça sans aucun traitement depuis 6 ans et sans que la maladie n'évolue. Oui, raconte-nous ça, François. Oui, effectivement. Alors tous les espoirs sont permis. Après le cas unique du patient de Berlin, qui s'appelait Timothy Brown, qui est la seule personne officiellement guérie du VIH, la liste pourrait s'allonger de 2 nouveaux cas. Alors, en effet, lors de la 19e conférence annuelle internationale sur le sida qui s'est tenue du 22 au 27 juillet dernier à Washington, 2 conférenciers du Brigham and Women's Hospital de Boston ont annoncé qu'ils suivaient 2 patients qui étaient séropositifs, chez qui on ne détectait plus, en fait, qui étaient séropositifs, mm-hmm. et chez qui on ne détectait plus aucune trace du VIH. Les scientifiques restent malgré tout très prudents et ne parlent pas encore de guérison, car il faut que l'état des 2 patients se maintienne encore pendant un certain temps avant de confirmer la chose. Mais évidemment, les données actuelles ont de quoi susciter l'optimisme. L'histoire présente beaucoup de similitudes avec celle de Timothy Brown, mais aussi il y a aussi quelques différences. Donc ça, c'était l'histoire de Timothy Brown, c'était quelque chose, une nouvelle qui était parue il y a 4 ans dans des journaux non spécialisés. Mais la description complète du cas par les médecins a fait l'objet de 2 publications, donc l'une en 2009 et l'autre en 2010. Mais bon, c'est quand même un petit peu loin. Si tout faisait un rappel de ces faits-là. Alors en 2007, un patient séropositif depuis une dizaine d'années devait subir une greffe de moelle osseuse car il était atteint en plus d'une leucémie. Mm-hmm. Ce genre de greffe permet de remplacer les cellules malades par des nouvelles cellules saines provenant d'un donneur. Et par chance, parmi les donneurs compatibles, il y avait une personne qui était résistante au VIH. Alors, la particularité de ce donneur était de posséder une mutation sur le gène CCR5. Ce gène produit une protéine qui se retrouve à la surface des lymphocytes T et qui permet au virus de pénétrer dans la cellule en se fusionnant avec le récepteur cellulaire. Mm-hmm. Donc, la mutation du gène agit comme une modification mm-hmm. de la serrure de la cellule. Le VIH n'a plus la bonne clé pour entrer. Donc c'est ça qui donne la résistance au patient, c'est la mutation sur ce gène. C'est ça, du donneur, effectivement. Ouais, de celui qui donnait sa moelle osseuse, effectivement. Ouais. Donc, mais les médecins ne pouvaient pas connaître au départ les conséquences d'une telle greffe sur la séropositivité du patient. C'était comme surprise, oui, finalement. Tout à fait. Mais les scientifiques ont vite réalisé, c'est ça, ces effets bénéfiques, comme tu le dis, 3 ans et demi après la greffe et en absence de tout traitement antirétroviral, le virus est resté indétectable, car il n'y a toujours aucune trace d'ADN ou mm-hmm. d'ARN viral, ni dans le plasma, ni dans les cellules sanguines. De plus, le nombre de lymphocytes TCD4+, qui sont normalement bas chez les séropositifs, a retrouvé un niveau similaire aux individus qui mm-hmm. sont sains. Mm-hmm. C'était vraiment une bonne opération, finalement, pour Timothy Brown. Et maintenant, donc, si on revenait aux 2 cas de Boston. Alors, les 2 cas de Boston, alors qu'il s'agit de 2 Américains séropositifs, eux, atteints d'un lymphome, c'est-à-dire un cancer des cellules du système immunitaire. Alors, leur trithérapie a dû être arrêtée avant le début du traitement contre leur tumeur, ce qui a permis au virus d'entamer de nouveau son processus mm-hmm. infectieux. Alors, c'est le cas dans le cas du patient de Berlin, les patients américains ont bénéficié d'une greffe de moelle osseuse. Mais cette fois-là, les donneurs n'étaient pas naturellement immunisés contre le VIH. Alors, juste avant la greffe et un peu juste après, le VIH était redevenu détectable dans leur sang, on s'y attend, mais 8 mois après la transplantation, le virus ne laissait plus aucune trace ni dans le plasma mm-hmm. sanguin, ni dans les cellules mises en culture, et ce malgré l'utilisation de tests de détection les plus sensibles. Alors aujourd'hui, respectivement 2 et 3 ans et demi après l'opération, leur virémie reste indécelable. Ah oui, et malgré tout, les médecins considèrent que ces 2 patients-là ne sont pas officiellement guéris? Les 2 hommes restent encore, restent sous antirétroviraux pendant, tant que leur rémission n'est pas confirmée, et celle-ci pourra l'être qu'ultérieurement, en fait, lorsqu'ils auront fait des nouvelles analyses, comme je disais, pendant un certain temps. Oui. Et donc, si ça fonctionnait, si après ces autres analyses, on s'apercevait que les médecins, que les deux patients étaient réellement guéris, est-ce que c'est une thérapie qui pourrait constituer une solution pour d'autres patients séropositifs? Malheureusement pas, en fait, et pour plusieurs raisons. Mais tout d'abord, dans ce cas-là, dans le cas des deux patients de Boston, en fait, ils ne sont pas comme la majorité des malades, c'est-à-dire eux aussi bénéficiaient naturellement d'une mutation qui les rend plus résistants à l'infection. Donc, c'est ça qui expliquait finalement leur résistance, c'est qu'eux-mêmes avaient déjà... Exactement. La greffe de moelle osseuse a contribué aussi, mais déjà, il y avait déjà une résistance naturelle. Et évidemment, ça joue probablement un rôle, effectivement, dans le résultat. Mm-hmm. Puis de plus, la greffe de moelle osseuse, c'est quand même une opération qui est assez périlleuse et les risques de décès suite à cette opération sont plus élevés que ceux de mourir du sida. OK. Donc, il faut peser là, les avantages et les avantages. Effectivement. Donc, effectivement, cette opération-là est bannie pour les séropositifs qui ne sont pas atteints de cancer du sang. Oui. Et parallèlement, il y a une autre étude en France qui fait parler quand même, qui produit aussi des résultats intéressants. Alors oui, cette étude est française et elle a été annoncée par l'Agence nationale de recherche sur le sida et les hépatites. Cette fois, il n'est pas question de rémission, mais simplement d'arrêt de traitement sans évolution de la maladie. Alors c'est complètement autre chose. 12 des 15 sujets ne prennent plus aucun médicament depuis 6 ans. Et ne s'en porte pas plus mal. Alors, la particularité, c'est que tous les patients ont commencé un traitement antirétroviral dans les 10 premières semaines qui ont suivi l'infection au VIH, ce qui représente une prise en charge précoce, car les délais normaux avant de constater la contamination sont souvent beaucoup plus longs. OK, donc là, ce serait comme une prise en charge, un traitement très précoce qui aurait peut-être été plus efficace que... Exactement, 10 semaines après la séroconversion. Ouais. Alors, après 3 ans de trithérapie, l'hôpital d'Orléans leur a demandé de stopper leur médication et a suivi très précisément chacun de ces patients. Pour la grande majorité d'entre eux, la viremie est restée indétectable, exactement comme s'ils avaient toujours été sous traitement. Mm-hmm. Pourtant, ça fait 6 ans qu'ils n'ont pas avalé seul comprimé. C'est intéressant. Ouais, c'est un fait. C'est une nouvelle qui est... c'est en soi une excellente nouvelle, car les personnes séropositives, sont condamnées à prendre à vie leurs médicaments qui n'éliminent pas vraiment le VIH, mais qui le maintiennent à des taux très faibles. Cela montre qu'il est parfois possible de vivre tout à fait normalement, même contaminé par le virus du sida. Mm-hmm. De plus, cette découverte pourrait offrir de nouvelles pistes pour comprendre le mécanisme et tenter de le généraliser à tous les patients. Cependant, il ne faut quand même pas banaliser avec ça la maladie, parce que le traitement, la trithérapie, c'est quand même quelque chose de lourd. Donc, il ne faut pas banaliser. Puis, il ne faudrait pas que ça induit certains à dire « bon, c'est plus la peine de se protéger, on a le traitement miracle, etc. » Mais malheureusement, c'est déjà commencé, cette relâche de vigilance. Oui, donc il ne faut pas relâcher la vigilance. Non, tout à fait. Mais ces études-là sont quand même intéressantes pour apporter peut-être de nouvelles pistes d'études pour des traitements qui soient vraiment curatifs. Et pour comprendre aussi le mécanisme de la maladie, qui n'est quand même pas évident. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. Donc maintenant, on va faire une pause publicitaire sur CKRL et nous sommes toujours au 89,1.